Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre 2030 glorieuses Utopie vivante, j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui, comme moi, ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur, mais aussi de raconter ce changement. Parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure, et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast 2030 Glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Pierre, tu es là, ça y est, salut. Bien, salut tout le monde. Comment vas-tu, Pierre? Bah top, et toi? Ouais, ça va, la journée était un peu intense là. En ce moment, je suis pas mal dans le calendrier avec plein d'événements à venir et du coup, je jongle un peu. Mais je suis très content qu'on fasse ce live. C'est les lives qui nous permettent de nous poser. Et à la fois, j'ai l'impression que toi aussi, tu as eu une journée un peu intense. J'ai vu tes stories là, on était en temps réel sur ce que tu as fait. Raconte-nous ce que tu as fait aujourd'hui ou hier, je sais pas quand est-ce que c'était. Non, j'avoue, j'ai un peu menti, c'était vendredi, mais comme j'étais malade ces derniers jours. Je me disais bien qu'il y avait une tricherie. Bah, en gros, je fais partie d'un programme d'influenceurs avec la Caisse des dépôts qui finance plein d'initiatives dans l'écologie, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, là, on avait visité, c'était un peu sur le côté Made in France avec l'usine du coq sportif. Ouais, avec le côté réindustrialisation, savoir-faire. On était là-dessus. On voit toutes tes photos, tes vidéos de ces grandes usines, de ces machines aussi. Ouais, c'était hyper intéressant. Et même, ils accompagnent plein de villes moyennes et petites. Tu rentres direct dans le vif du sujet. très technique. Mais là, c'était à Troyes, en l'occurrence. Et par exemple, ils ont plein de programmes pour accompagner les villes moyennes, pour arrêter d'être hyper dépendants de Paris, où la France est très en étoile. Et on l'a bien vu. Dans un monde qui s'effondre et où il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement, du pétrole qui coûte un bras, etc. On sait très bien avec, je crois que toi aussi t'aimes bien le mouvement des villes en transition de Rob Hopkins, et que l'économie sera de plus en plus locale, quoi, juste parce que de toute façon on n'aura pas le choix et c'est tant mieux comme ça. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on aide à redynamiser ces territoires, quoi, pour qu'ils soient plus autonomes et qu'on ait des savoir-faire locaux et d'être moins dépendant de l'étranger, quoi. Je disais tout à l'heure, Pierre, que tu fais partie de ces personnes qui ont compris que agir était au moins aussi important que raconter son changement. Et en plus, toi, tu as décidé de personnifier ce changement en l'incarnant et en partageant tes doutes, tes questionnements et ta mise en mouvement. Donc, quand tu es rentré en 2016 avec l'envie d'agir, d'abord avec cette impulsion individuelle qui est en fait une étincelle à tous les niveaux, notamment collectif. Je suis tombé sur tes livres. Je les ai montrés tout à l'heure en intro, mais je les remontre. Ils sont ici. Changer le monde en 2 heures. Je trouvais que c'était accessible, c'était dynamique. Ça créait pas d'obstacle au passage à l'action. Au contraire, même, ça les éliminait, ça les réduisait. J'aimerais que on revienne peut-être un tout petit peu là-dessus, si tu le veux bien. Ensuite, j'aimerais bien aussi que tu me racontes pourquoi. Et comment tu as découvert que le livre, ça pouvait être au-delà d'un agitateur de cerveau, en fait, un agitateur de cœur, un agitateur de bras, tu vois, que ça permettait de se bouger dans la vraie vie. Ça, c'est le deuxième point que j'ai envie de voir avec toi. Et le troisième, c'est pourquoi derrière, du coup, tu en es venu avec cette idée de mettre en avant d'autres personnes aussi, à travers Soif de sens, d'être un peu voilà, ce curieux qui pose des questions qu'en fait plein de monde Ouais. se pose. Et donc on fait un peu cette progression dans ton parcours, si tu veux bien. Ça roule. Alors, je ne me rappellerai pas de toutes les questions, mais Je avec crois que je les ai plaisir. en tête. Encore une fois, ce live pour moi, en 45 minutes sur Instagram, vous imaginez bien qu'on ne va pas résoudre la crise dans le monde là, dans les 45 prochaines minutes. L'idée, c'est plutôt de se poser cette question, voilà, du pouvoir qu'on a sur les histoires qu'on se raconte et de comment on peut les faire pencher du côté qui nous intéresse, pourquoi pas en proposer des nouvelles. Et Ouais. toi, c'est parti, cette envie-là, en fait, non pas d'une pulsion de vie, mais presque même d'une sorte de sursaut d'une crise, en fait, non? Tu racontes ça comme ça, Ouais, hein, avec. complètement. Moi, je pense que je suis pas militant dans mon ADN profond. C'est juste que ça me semble évident que c'est ce qui est plus souhaitable pour le monde, d'avoir un monde plus juste et durable. Mais je me suis retrouvé un peu là-dedans par les circonstances. À la base, moi, j'ai fait une école de commerce et en fait, je voulais juste être heureux dans mon métier. Ça me semblait pas demander un truc incroyable, quoi, surtout quand tu as la chance d'avoir fait des bonnes études, etc. Et en fait, je voyais bien que j'étais pas du tout à ma place. J'avais fait les choix des non-choix comme beaucoup beaucoup de jeunes. Et j'étais là, mais en fait, je voyais à des kilomètres à l'avance que je serais pas heureux. Enfin, genre, je suis pas fait pour faire de la compta, du marketing ou de la finance. Enfin, genre, c'est pas moi. Enfin, si tu me connais un petit peu, et toi tu me connais en l'occurrence, c'est juste évident. Et donc oui, moi, tout mon projet, il vient d'une quête de sens professionnel. C'est pour ça aujourd'hui que le podcast et la chaîne YouTube s'appelle Soif de sens. Et puis encore aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment une addiction au sens qui peut-être est pathologique. Je sais pas, faudrait que je creuse, mais ouais, moi j'ai besoin que les choses que je fasse elles aient du sens et que les gens que je rencontre aient... enfin voilà. Et donc c'était d'abord une souffrance effectivement de qu'est-ce que je veux faire de ma vie avant de me dire ok, il y a des problèmes dans le monde, on va essayer de les résoudre quoi. Et il y a plein de personnes en fait hein, qui font ça. C'est vrai que tu l'as dit, il y a certaines personnes, je crois qu'elles sont rares, qui ont la chance de, comme Obélix, tomber dans la potion magique dès qu'ils sont petits, parce que en fait leur famille, parce que leur entourage, parce que leurs amis fait que ben, en fait ce côté militant, ce côté de l'engagement vient naturellement. Et en même temps, tu vois, en parlant, je te dis, elles ont de la chance, peut-être pas finalement, parce que du coup ça donne aussi une certaine attitude qui peut avoir presque un air de supériorité de temps en temps, alors que nous, on a ce doute, et je partage un peu ce que tu dis, quand t'as ce doute en toi, quand tu t'appropries vraiment ce parcours, j'ai l'impression que, en fait, presque, il est encore plus intense et plus entraînant, mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais toi, en tout cas, tu t'es Bah, tout de suite dit, vas-y, je t'écoute, ouais, je ferai rebondis pas de ça. hiérarchie entre les deux parce qu'on a besoin de gens comme Camille Etienne qui sont ultra écolos dans leur âme et depuis leur enfance et parce qu'ils ont grandi à la montagne, etc. Par contre, je pense que clairement, la plupart des gens s'identifient pas aux militants purs et durs et donc c'est hyper important que de montrer que tu as des gens, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde qui mettent leur talent. En l'occurrence, moi, c'est plus effectivement... créer du contenu, partager, transmettre, aller interviewer des gens et montrer les choses incroyables qui se passent et comment il y a des gens qui ont toujours changé le monde et comment on peut continuer à changer le monde et amplifier les mouvements qui existent et déconstruire les stratégies de nos adversaires aussi pour essayer de créer juste garder une planète habitable par exemple ou avoir l'égalité femmes-hommes ou plein d'autres choses. Surtout dans un Donc monde en souffrance, hein, en plus, hein, puisque en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent, là en l'occurrence dans ton cas, peut-être qui osent aussi tôt que toi, hein, parce qu'en fait, tu n'as même pas attendu te lancer dans la vie professionnelle pour dire non, non, c'est pas possible. Il y a pas mal de gens qui font leur crise plutôt de ce qu'on appelait avant cinquantaine, maintenant qui est devenu quarantaine, voire trentaine, et ouais. qui changent de boulot après leur première expérience professionnelle qui Je s'avère pense que ça se vraiment, fait de plus vraiment, en plus vraiment. tôt, hein. Hein. Mais ouais, je pense que j'ai la chance ce qui est aussi un défaut, hein, mais de beaucoup me remettre en question et de me connaître très bien. Et donc, je suis pas capable de me mentir à moi-même et de me dire, mais si, ce boulot-là, qui a un bon CDI, tu devrais le prendre. Enfin, genre, je me connais suffisamment pour pas être capable de me mentir à moi-même. Et donc, ouais, ça, c'est une force Donc, tant pis pour le SUV, tant pis pour la voiture, tant pis pour la belle Ah, les carrière bagnoles, par contre, ça m'a jamais professionnelle, intéressé. Ça, c'est même hein, pas. bah ça c'était bon, tant pis pour le chien, tant pis pour tout ça, tant pis pour les voyages à l'autre bout de la planète avec le Club Med, tant pis pour ça, tu dis, je me mets en mouvement et moi je veux comprendre à quel moment ta mise en mouvement, elle va presque de pair avec le fait de le raconter, ce changement, et d'en faire des bouquins, en plus auto-édité, comme tu l'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment le lien s'est fait et comment tu t'es dit, bah ouais, en fait, c'est pas une idée de merde, allez, vas-y, je fonce. C'est marrant parce que ça a jamais été, enfin, j'ai jamais douté de ça en fait. En gros, j'ai toujours adoré écrire et par exemple, j'ai surkiffé ma prépa et en sortant de prépa, j'étais là. En fait, c'est trop con. Pendant 2 ans, j'ai cravaché comme un malade avec en essayant de dégoter des techniques de méthode. Vous allez voir le lien dans 2 minutes, hein, mais pour réussir sa prépa à école de commerce. Et en fait, tout le monde réinvente la roue alors qu'en fait, on est tous des quiches pour réussir les concours. Et donc, c'est comment est-ce qu'on capitalise, même si c'est un mot qui est connoté péjorativement, comment est-ce qu'on s'appuie sur les épaules de ceux qui sont passés avant nous pour faire du partage d'expérience et pour exprimer au mieux notre potentiel. Et donc, j'avais écrit un premier bouquin sur qui s'appelait Secret d'admis, justement, sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa HEC. Parce que juste après ma prépa, j'étais là, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est, enfin voilà. Et donc juste je l'avais fait, je m'étais pas trop posé 1000 questions et je n'en avais pas forcément énormément parlé, mais je sais pas, quand il y a quelque chose qui vraiment te tient passionnément au cœur, moi c'est, enfin, ce qu'en pensent les gens, je m'en fous. Et en plus je pense que j'ai un entourage très bienveillant, donc forcément tu te poses moins la question. Mais du coup, pour répondre à ta question, en fait moi j'ai fait 2 ans de césure. Alors c'est un privilège, voilà, financièrement faut pouvoir se le permettre, merci à mes parents. Et du coup, c'est en m'achetant du temps que je suis tombé dans l'entrepreneuriat social, en travaillant notamment 1 an chez Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Je pense que c'est l'organisation pour laquelle j'ai le plus d'estime et qui est assez peu connue du grand public, mais qui est classée dans le top 10 des ONG les plus influentes du monde et qui va sélectionner les innovateurs sociaux qui ont les innovations les plus systémiques qui peuvent être répliquées aux quatre coins du monde pour résoudre nos grands problèmes de société. Et donc moi, j'avais là, j'étais 20 ans et je rencontrais des gens ultra badass qui étaient en train de résoudre des problèmes colossaux dans la santé, avec l'endométriose, dans le handicap, dans l'énergie, dans... Et ouais, de voir de mes propres yeux que c'était des gens complètement normaux, qui vivaient de leur passion, qui faisaient du bien autour d'eux. Et enfin, franchement, toutes les semaines, je pense, je me retrouvais dans des moments, dans des séquences émotions à pleurer tellement... C'était trop beau, leurs histoires et les gens qu'on rencontrait et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur le terrain, quoi. Et surtout de me dire, en fait, c'est des gens normaux, quoi. Enfin, genre, ouais, c'est cette personne qui va réinventer l'éducation, en fait, c'est juste un prof qui en a eu marre de voir des dysfonctionnements dans le système éducatif et qui s'est dit, vas-y, moi, je vais me remonter les manches et on va monter un truc, quoi. Plutôt que de vivre ça égoïstement, tu t'es dit, il faut que je le partage. Et du coup, ouais, comme moi, j'avais fait une bonne grosse dépression pendant 2, 3 ans en école de commerce, j'étais là, mais... J'ai vraiment fait le parallèle avec ce livre où j'étais là, enfin mon premier livre où j'étais là, mais c'est dingue. Enfin, il y a plein de gens comme moi qui soit sont carrément en crise de sens professionnel, soit qui dans leur job ça leur va à peu près, soit ils aiment bien, soit juste c'est leur gagne-pain et ils sont ok avec ça. C'est plus important pour eux leur vie perso, mais qui à côté ont envie de faire plus. Je sais plus ce que c'est les stats, je crois que c'est 75% des Français qui Ouais, ont c'est envie ça. d'agir davantage pour les autres et la planète, et il y en a que 15 qui passent à l'action, quoi. Tu Et parles de moi je l'étude voyais. du gâchis de talent, hein, c'était l'étude de C'est Ticket ça, for ouais, Change. de C'est ça. Ticket for Change. Et moi, je voyais du coup dans tous ces projets, y en a plein qui proposaient du coup des micro-engagements. Depuis, comme toi, j'ai beaucoup évolué et j'ai une vision beaucoup plus politique et systémique. Mais en tout cas, j'étais là, j'avais envie de pré-mâcher le travail aux gens. Et donc, les bouquins, c'est ça, c'est 10 projets sociaux ou écolos qui marchent déjà, qui ont déjà un impact social et environnemental, et surtout auxquels c'est facile de contribuer. Et surtout en démontrant plein de moyens d'agir hyper différents, que ce soit contribuer à rendre accessible le savoir à tous avec Wikipédia, en écrivant des articles, parce qu'en fait, c'est un des plus gros projets d'entrepreneuriat social auquel on pense pas forcément, que ce soit en donnant ton sang, et en fait tu peux potentiellement sauver une vie en 45 minutes, mais ou plein d'autres trucs, à chaque fois c'est en rejoignant des collectifs, donner des fringues à Emmaüs, etc., etc. T'étais en train d'anticiper le fait que potentiellement tu prêtes le flanc à la critique parce que changer le monde en 2 heures, effectivement, toi tu parles de, redis-moi, tu parles de micro-gestes, non, tu parles de Engagement, ouais. micro-engagement, donc Enfin, plus maintenant du coup, mais ouais. effectivement, hein, on est dans cette action individuelle qui ensuite, notamment par les ingénieurs, mais par les théoriciens, par d'autres militants, ont beaucoup pointé du doigt, voilà, cette idée de la responsabilisation individuelle qui porte en A fait raison. seulement sur les épaules des Français et des citoyens en général, et à la fois Moi, ce que j'aimerais entendre, Pierre, ce que tu me racontes, c'est quels ont été les retours d'électrices et d'électeurs et est-ce que tu as eu l'impression à un moment que par tes lectures, ces gens s'enfermaient justement dans le micro-engagement en disant, bah, en fait, voilà, ça y est, j'ai mon vinaigre blanc, j'ai gagné, le monde a changé, ou si au contraire, tu sentais que c'était un tremplin pour les amener à se poser encore plus de questions, rencontrer encore plus de personnes inspirantes et faire comme toi, en fait, affiner ton point de vue au fur et à mesure. Oh, c'est très dur à dire parce que là, quand t'écris des livres, tu vois pas tes lecteurs, voilà, tu reçois des mails de temps en temps et c'est pour ça que je kiffe beaucoup plus YouTube ou les podcasts où vraiment ta boucle de feedback elle est beaucoup plus rapide et tu suis les gens dans la durée quoi, alors que sinon c'est, bah, j'ai trop kiffé ton livre, c'est génial et à dans un an quoi quand il sortira le tome 2. Donc bah il y a des histoires qui sont moi qui m'ont ultra touché de Aline par exemple, je parlais de passerelle et compétences donc du bénévolat de compétences. Et de mémoire, oui, donc elle avait découvert que tu pouvais bah, mettre tes compétences professionnelles ponctuellement au service d'une association via cette plateforme qui s'appelle Passerelle et Compétences. Et donc elle avait participé à organiser, je crois, leur premier concert caritatif et elle les avait aidés à lever, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble 10 ou 20 000 euros. Et pour elle, c'était facile parce que c'était son métier, quoi. Mais n'empêche que bah, 20 000 euros, je crois que c'était pour les Restos du Cœur, si je ne m'embrouille pas trop. Bah pour eux c'était énorme quoi et eux ils avaient pas ces compétences en interne et en plus en faisant ça elle avait amené une amie à cet événement-là et du coup son amie bah avait été trop inspirée par sa propre action et ça j'adore les réactions en chaîne comme ça où bah toi par ton engagement tu vas rayonner et donner en et ouais créer des réactions en chaîne positive et donner envie à tes potes de faire pareil et du coup sa pote qui était graphiste avait aussi fait une mission et ainsi de suite quoi. Donc ouais ça c'est des retours qui font ultra chaud au cœur parce qu'il y a plein de gens qui ont envie d'agir et moi j'adore montrer vraiment mille et une façons de changer le monde à son échelle et collectivement parce que bah, je peux parler autant d'écologie que de féminisme que de grossophobie que de handicap etc et en fait selon la personne que je te mets en avant selon la thématique selon juste le moment de ta journée potentiellement tu vas pas être touché par les mêmes choses et il y en a plein qui vont être là. Mais ouais, carrément, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Je cherche à changer de fournisseur d'électricité, je cherche un job qui a plus de sens, ou je cherche à aider les personnes réfugiées autour de moi. Et ouais, j'aime bien montrer la pluralité des formes, parce qu'on est tous touchés par des choses différentes, à des moments différents, et je me suis un peu emballé, mais voilà. Et à la fois, moi, quand j'étais rentré justement en France, j'avais été saisi de voir à quel point il existait ces livres qui permettent le passage à l'action. Pour moi, c'était pas du tout clair, en fait. Les livres, jusqu'à présent, dans mon imaginaire, jusqu'à mes 25 ans, c'était des lieux d'évasion, avec tout un tas d'histoires, forcément, romans, policiers, etc., etc., Ouais. ou des lieux de, on va dire, d'évolution intellectuelle, et tous les Noam Chomsky, et tous les j'en sais rien, et tous les trucs, et tous les machins qui te secouent, qui te font voir des personnes qui, elles, ont étudié, rencontré, lu pendant très longtemps, et qui essayent de te livrer un peu la substantifique moelle de leur pensée pour toi aussi te Oui, chahuter, à et des te, gus de hein, 20 tu ans, vois? quoi. Voilà. Et là, après, moi, je vois ton histoire. Je vois Pierre Chevel qui écrit Changer le monde en 2 heures. Tu fais des sourires sur les photos. Il y a des photos de ton C'est mon bouquin sourire qui t'a à convaincu. côté d'une piscine. Non, mais je me rappelle un peu de ces trucs et tout. Et en fait, Ah tu vois, oui. on a un livre qui fait moins de 100 pages, qui est accessible directement sur la boutique en ligne parce qu'on le trouve pas en librairie. Et en fait, ce livre, effectivement, il va se lire Si, en si, il est une. dispo en librairie aussi, ouais. Maintenant, il est dispo en librairie. À l'époque, au moins, À tu sais l'époque, les oui, avoir. non. Non, si tu les passais que par ton site. Et en fait, c'est des livres qui se lisent en 60 minutes, mais quand on les a posés, nous laissent pas pensifs dans notre canapé. Nous font aller directement dans la vraie vie pour rencontrer toutes ces personnes que tu mets en avant. Toi, c'était évident que ce livre avait ce pouvoir-là? En tout cas, c'était l'intention. Ouais. Et j'étais là, il faut que je le fasse pour savoir. C'était vraiment enlever tous les freins possibles et je te prémâche le plus le travail possible. Limite, des fois, je trouve ça un peu infantilisant à quel point je dis vraiment. D'abord, je te dis vraiment pourquoi ce projet, il est ultra inspirant. Voilà, par exemple, l'histoire d'Emmaüs avec l'appel de l'abbé Pierre et comment c'est. Enfin, c'est un moment fondateur dans l'histoire associative française, quoi. Et comment toi tu peux rejoindre? Et après, ok, bah tu veux donner des fringues, tu vas sur tel site, tu cliques là, là, là, et c'est fini. Ça prend 10 minutes, et voilà. Le but, c'est vraiment de faire un guide pratique. Et moi, je sais que 99% des livres, ils sont chiants et moches et pas attractifs, quoi. Donc ouais, c'était comment tu rends ça allégé, j'allais dire design, mais mon graphisme me taperait parce qu'à l'époque j'avais même pas prévu de prendre un graphiste, donc c'était censé être sur Word tout moche. Mais en tout cas lisible et aéré. Et... Ouais, donc pour moi c'était super important que ce soit un truc léger, clé en main, où tu peux juste lire 5-10 minutes et te prendre un shoot d'inspiration et juste écouter ton envie tout de suite sur le moment et te dire bah vas-y ouais. Il y a des jeunes qui m'ont dit bah j'ai lu le chapitre sur Lilo et tout de suite après bah on a installé ce moteur de recherche qui finance des associations sur tous les ordis de notre collège, tu vois. Et c'est tout bête. Et en soi, ce micro-engagement est tout bête, mais du coup, bah, chaque année, du coup, ils reversent sûrement des centaines d'euros à des assos juste parce que bah, c'était prémâché pour eux et que c'est un micro-engagement hyper simple et qu'ils ont suivi leur instinct, quoi. Et est-ce qu'à un moment dans tes livres, tu disais, bon, bah voilà, à partir du moment où vous avez fait ça y est, vous avez gagné, le monde a changé, merci, vous n'avez plus besoin de vous poser les questions de la critique systémique de votre système ou de Bah oui, à l'engagement partir de 2 heures, politique. c'est bon, le Hein, on monde est était changé, d'accord, c'est réglé. c'était ton postulat. Bah, Comment je tu comprends traites pourquoi ces tu dis ça, angles-là? parce qu'on se fait tous les deux régulièrement bâcher pour ces histoires de micro-engagement versus action systémique, même si on tend tous les deux maintenant de plus en plus vers des actions systémiques, ça c'est assez évident pour ceux qui nous suivent. Mais en même temps, dans mon cas en tout cas, moi j'avais pas de culture politique. Et donc c'est très différent de dire, je sais pas. Si t'as envie de faire une bonne action en 2 heures, et ben tu peux donner des fringues à Emmaüs, de dire bah, dans notre société il y a X millions de personnes sous le seuil de pauvreté, c'est dû à un système capitaliste qui exploite tout le monde et notamment les plus démunis. Et du coup, un moyen de participer à ça, c'est de soutenir des initiatives comme Emmaüs pour lutter contre ça. En tout cas, de toujours faire ces actions. Bah, qui en fait sont collectifs, parce que c'est toujours à travers des collectifs, mais avec en perspective que ça fait partie d'une bataille plus grande qu'on essaie de gagner. Pour moi, c'est ça la nuance que j'avais pas, et c'est normal parce que bah, on parlait jamais de politique à la maison, parce que ma mère est de gauche et mon père est de droite, pour faire simple. Et donc, du coup, c'est là-dessus que je mets beaucoup plus le curseur aujourd'hui de, OK, c'est trop bien de passer à l'action, mais il y a un moment, faut se mettre d'accord sur, bah, c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre et vraiment comprendre? Ok, attends, le patriarcat, en fait, c'est quoi? Le capitalisme, c'est quoi? Le spécisme, c'est quoi? Et c'est un peu ça, tout le dilemme, c'est comment est-ce que tu rends ça sexy? Parce que pour le grand public, souvent, c'est très chiant. Et donc, c'est pour ça que moi, j'adore interviewer des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, que ce soit sur la charge mentale, pour que tu te rends compte comment le patriarcat, en fait, il peut niquer ta vie sexuelle et, bon, j'avais pas fait gaffe au jeu de mots, mais, et ton couple, et du coup, les implications que ça peut avoir dans la société. Ou sur plein d'autres sujets, quoi. Donc finalement, en fait, à partir du moment où tu es rentré dans cette dynamique d'action et que ça a alimenté en fait tout un tas de questions, tu as envie d'aller voir plus loin et du coup tu t'es dit, bon bah en fait moi qui ai envie d'aller voir plus loin, tant pis, arrêtons nous au tome 3 de changer le monde en 2 heures, j'ai envie de faire d'autres choses. Et c'est là où tu en fait as continué à tirer ce fil de ta curiosité, que tu as créé Soif de sens, que c'est devenu au début des vidéos sur YouTube, maintenant c'est presque plus un podcast, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est un podcast, ouais, Soif de sens, pas comme 2030 Glorieuses, effectivement, où j'interviewe des humains qui changent le monde. Donc ça peut être autant des gens connus, notamment dans l'écologie, comme je sais pas, Camille Etienne, Cécile Duflot, Yann Arthus Bertrand, que des féministes qui peuvent être moins connus de nous toutes ou Alice Coffin, que je sais pas, que Jean Covici, que Pablo Servigne, que enfin voilà, des gens. Ou sur de la désobéissance civile, voilà, c'est vraiment. Ou enfin là, la semaine dernière, ça peut être aussi beaucoup plus lourd. C'est Dilnur Reyhan qui est une Ouïghour, donc qui se bat pour ces histoires de génocide et qui sont absolument atroces. Voilà, en général, c'est des sujets plus légers entre guillemets, mais ouais, moi c'est le point commun au-delà de gens qui changent le monde, c'est d'abord, je trouve que c'est des gens qui vraiment ils sont vivants, quoi. Des gens qui rayonnent et tu vois qu'ils sont vraiment à leur place. Et ça, je trouve, ça donne la banane de ouf. Et je trouve qu'il y a trop de gens éteints, en fait, autour de nous. Et ça, je pense que c'est un truc qui, c'était longtemps mon cas et c'est un truc qui me révolte. Et c'est un truc qui, pour moi, est aussi le fruit du capitalisme qui veut nous enfermer un peu dans, reste un gentil consommateur et travailleur et regarde tes séries Netflix et abrutis-toi et ne fais rien de tes talents et de ta créativité, de ton temps libre et surtout de collectif. Et alors qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se bougent et je trouve ça ultra inspirant dans ces débats où parfois c'est David contre Goliath bah là, j'interviewais Titiou Lecoq, qui est une autrice féministe, qui me racontait à quel point, bah, voilà, l'histoire avait effacé les femmes. Et pourtant, comment à chaque époque, bah, t'as des femmes qui sont battues contre le patriarcat, pour les droits des femmes, et qui lui disaient, bah, en fait, on savait que ça adviendrait pas de notre vivant, mais on se battait pour les générations futures. Et alors, même si, évidemment, dans la cause écologique, bah, le temps, on n'en a pas. En tout cas, on en a beaucoup moins que dans les autres causes. Ouais, de se réinscrire dans l'histoire militante, je trouve que ça redonne énormément de force parce que, enfin, on a tendance à pas connaître cette histoire, alors qu'en fait, des victoires, il y en a eu plein, des mouvements sociaux, il y en a eu plein. Et le fait de se rappeler qu'on s'inscrit dans un héritage et qu'on se bat sur le long terme et qu'il y aura encore d'autres gens après nous, ça, je trouve ça, j'ai des frissons là. Qu'est-ce qui fait que c'est intéressant que ce soit toi qui poses ces questions? Parce que tu vois, les personnes que tu mentionnes, on les a pas toutes vues sur tous les plateaux de télé non plus et dans toutes les radios. Et à la fois, bah voilà, tu as envie de les rencontrer, tu as envie de leur donner la parole sur un format qui est en plus un peu plus long sans doute, aussi différent. Qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que c'est particulièrement intéressant, pourquoi pas pour les gens qui nous regardent, voilà, d'écouter ces podcasts-là, même si des personnes interviewées l'ont déjà été plusieurs fois. Ouais, carrément. Bah, ce qu'on m'a dit, par exemple, sur Servine, je l'ai vraiment anglais sur l'éco-anxiété, et c'était un sujet sur lequel il avait bah, jamais été interviewé. Et ouais, c'était forcément, moi, même si je parle de sujets macro, moi, rapidement, ça peut devenir assez chiant si c'est justement désincarné. Et du coup, je vais poser des questions très intimes ou à Jean Covici, je sais là, mais comment tu parles de ça à tes enfants et tout. Il y a vraiment un fan club, c'est un peu ridicule des fois, mais voilà, de gens qui l'admirent énormément et qui étaient ultra touchés de voir un peu le côté plus humain de ce mec qui est hyper intellectuel et hyper inspirant par ailleurs. Donc, il y a ce côté-là. Moi, je n'ai vraiment pas peur d'être vulnérable et de montrer mes émotions et mes imperfections et du coup d'amener mes invités sur ce terrain-là. Et je pense qu'il y a aussi le côté, bah, chaque semaine, je vais te sortir un invité auquel tu t'attendais pas du tout. Parce que voilà, je parle pas que d'écologie, je parle aussi effectivement, bah, je disais de validisme ou bah là c'était une invitée ouïghour, ou ça peut être sur trouver un métier qui a du sens ou je sais pas, ça peut être sur plein de choses et ouais moi je trouve ça trop cool de suivre les gens qui m'inspirent et bon en général c'est quand même des militants badass ultra inspirants quoi, mais voilà, bah, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai pondu une interview avec Vandana Shiva et moi-même, j'étais comme un gosse parce que, bah, pour la peine, c'est une des influentes écolo, pardon, une des militantes écolo les plus influentes du monde et voilà, qui a mis Bayer Monsanto en PLS pas mal de fois. Et je trouve ça génial de pouvoir partager sa pensée en français à des gens qui n'ont pas forcément pris le temps d'aller écouter. Et... Donc ouais, pour moi, je le vois un peu comme, oh, la référence capitaliste de nu, je veux dire un Kinder Surprise, quoi. On va plutôt faire une boîte de chocolat comme Forrest Gump. Voilà, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et du coup, je trouve que, en fait, il y a énormément de ponts que je faisais pas forcément avant entre toutes ces luttes, où c'est toujours les mêmes rapports de force, les mêmes rapports d'oppression et un peu la même oligarchie aussi, en tout cas les mêmes, enfin voilà, versus bah, plus d'amour, plus de justice, plus d'écologie et de bien-être. Et donc c'est comme ça aussi que tu arrives à se faire se rejoindre un peu des mouvements sociaux et à briser des silos entre des écolos qui vont devenir féministes et inversement, par exemple. Et est-ce que paradoxalement, tu dirais pas que, alors qu'au début, tu tendais donc des micro-perches pour simplifier la démarche, tu as même toi utilisé tout à l'heure le mot infantilisé, parce que justement, tu voulais proposer des actions simples, facilement réalisables, immédiatement réalisables, tu trouves pas Ouais. que aujourd'hui, avec des conversations beaucoup plus longues, en complexifiant les rapports entre des enjeux qui pourraient paraître en fait pas forcément connectés a priori, tu simplifierais pas encore plus l'engagement paradoxalement. Tu vois ma question? Est-ce que là, maintenant, où en fait, à première vue, on verrait que tu complexifies beaucoup bah, la lecture du monde aux personnes qui te suivent, tu leur donnerais pas en fait un accès Ouais. encore plus simple et sans doute plus efficace et une manière d'être encore plus ambitieuse dans le changement qu'ils peuvent faire émerger. Ouais. Bah si si complètement. C'est effectivement tu peux le voir des deux manières. Si j'ai trop d'idées qui me viennent en tête en même temps là. Si je te dis bah voilà ton moyen de réduire tes déchets, ça va être j'en sais rien, d'arrêter d'avoir des pailles jetables, bah ça va marcher une fois quoi. Mais si je t'explique pourquoi on est dans une société de même pas surconsommation, plutôt je préfère dire surproduction, que c'est aberrant les impacts que ça a, bah toi tu connais très bien les bidonvilles où on décharge, etc. Bah ça va peut-être prendre un quart d'heure de plus. En l'occurrence, moi en général c'est des podcasts de 3 quarts d'heure. Mais derrière, ça peut avoir un impact beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long sur ton comportement. Donc c'est sûr que surtout aujourd'hui, on est dans une un peu, bah ouais, une bataille un peu de vision du monde entre bah l'ennemi c'est l'étranger, le musulman, le réfugié, et c'est lui la source de tous nos problèmes. Ce qui est un bouc émissaire très facile, mais voilà, il y a tout un argumentaire rodé autour. Versus bah, notre ennemi c'est des systèmes de domination, donc c'est plus complexe à comprendre, mais ça peut quand même être compris assez facilement si on prend un minimum le temps, que ce soit le patriarcat, le capitalisme, le spécisme, etc., le validisme, et toutes ces discriminations. Bah ouais, c'est beaucoup plus puissant si tu arrives à faire comprendre aux gens que en fait, y a pas mal de décideurs et d'oligarchies qui ont intérêt à ce que tu détestes les étrangers parce qu'en attendant, eux, ils peuvent continuer à piller la planète, les femmes et toutes les minorités, quoi. Moi, j'ai l'impression que plus je me renseigne sur ces sujets, plus je vois leur interconnexion et plus je vois aussi que, en fait, les alternatives, les moyens de renverser la table, elles sont assez simples, en fait. Et aborder cette simplicité, ça prend du temps. Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que, je vais faire une citation à peu près, je suis très très fort en Ouais. citation à peu près, mais que, en fait, La perfection hein, la dans ce cas-là. perfection, c'est, ouais, c'est ça, c'est C'est pas genre quand ma citation tu rajoutes, préférée. ajoutes quelque chose, mais au contraire, quand t'as plus rien à retirer. Ouais, c'est ça. La perfection, c'est pas quand il y a quelque chose à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et bon, on n'en a pas parlé, effectivement, mais il y a aussi effectivement toute une philosophie minimaliste derrière qui, pour moi, me parle énormément. Effectivement, c'est comment est-ce que tu reviens à l'essentiel? Et en l'occurrence, aujourd'hui, bah, dans toutes ces luttes, c'est vraiment le collectif qui est au cœur et toutes les victoires majeures, c'est vraiment quand on fait masse en tant que citoyen et souvent avec des alliés plus gros providentiels. Et donc, bon, bah, je pense que de toute façon, les gens qui nous écoutent, ils sont au courant, mais voilà, faire du zéro déchet, c'est manger bio, c'est bien, mais il y a un moment, si on veut vraiment changer les choses, bah, faut se rassembler tous ensemble dans des actions collectives beaucoup, beaucoup plus grandes, quoi. Et comme tu dis, l'un ne s'oppose pas à l'autre et au contraire, s'alimente dans notre Ouais, sentiment de complètement. légitimité, etc., etc. Je me posais la question en t'écoutant, parce que tout à l'heure, tu me parlais des commentaires ponctuels que tu avais par rapport à tes bouquins. Tu nous as partagé ce super témoignage de la personne qui, du coup, s'est mise en mouvement, qui a eu un impact assez considérable, juste avec une suggestion qu'elle a trouvée dans ton livre. Et là, maintenant, tu nous dis aussi que tu as beaucoup plus de commentaires et que les gens t'accompagnent sur le plus long terme. Quels sont les commentaires que tu reçois désormais? Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement dans les retours que tu avais sur ton livre, tes livres, pardon, et les retours que tu as sur tes podcasts et tes vidéos? Bah, disons qu'avant, je recherchais beaucoup plus à aider les gens à passer à l'action. Maintenant, je recherche plus à les faire réfléchir. Les gens que j'interviewe, c'est souvent plus des gens qui ont une fibre pédagogique. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être prof et c'est ça qui m'excite dans les gens que j'interviewe. Qui va mener à des passages à l'action. Mais par exemple, sur la charge mentale, bah, ça peut être des mecs qui se rendent compte qu'ils ont des comportements toxiques dans leur couple ou qui sont jamais interrogés, par exemple sur ce qu'on appelle la charge contraceptive où bah il se trouve que la plupart des charges de la contraception aujourd'hui, merci la recherche faite par les hommes en général, bah, repose sur les femmes. En général c'est la pilule tout simplement ou le stérilet ou autre, mais souvent la pilule. Bah souvent un c'est la charge bah, physique qui est quand même lourde pour la femme et en plus c'est bah, en fait souvent payé à 100% par la nana alors que bah, si on parle de couple hétéro, évidemment, ce qui est la majorité des couples en tout cas, bah du coup moi il y a plein de mecs qui m'ont dit mais en fait j'en ai parlé avec ma copine et bah ouais, enfin, juste on est passé à moite-moite ou voire je paye tout parce que elle morfle et pas moi alors que bah il y a des moyens de contraception masculine. Donc ça peut être des exemples ouais, de bah d'impact très direct, mais c'est d'abord macro de Ah, ok, en tant que mec, j'avais jamais réalisé que les femmes étaient autant discriminées par rapport aux hommes, et ça veut pas dire que je suis un connard, etc. Enfin voilà, je leur fais pas tout le topo. Mais du coup, la conséquence, c'est que bah, ok, au quotidien, je vais regarder les choses différemment, notamment. Ça, c'était l'exemple de la contraception, mais il y en a plein d'autres, quoi. Donc tu dis que en fait aujourd'hui les commentaires sont plus sur un éveil des consciences en disant mais en fait voilà tu Ouais. viens de parler de quelque chose et j'étais passé à côté de ça. Ouais, et beaucoup sur l'optimisme, c'est ça qui me touche énormément parce que bah, je suis quelqu'un de très joyeux en général et c'est quand même des sujets qui peuvent être souvent très très déprimants. Bah, voilà, parce qu'on parle quand même potentiellement, par exemple, juste de la disparition du vivant, donc c'est pas très fun. Et moi, souvent, quand je prépare les interviews, je suis là, mais c'est vraiment hardcore. Enfin voilà, quand tu prépares une interview sur Jean Covici, ça te donne pas envie d'aller dans 30 ans, quoi. Et je suis trop content d'arriver à, bien sûr, à bah, être honnête sur l'ampleur des dégâts et des problèmes et de la montagne qui a à gravir. Et en même temps, bah voilà, à transmettre cette énergie dans le choix des invités, dans le choix des questions et dans bah ouais, dans l'accent sur aussi bah, les moyens d'agir et les témoignages aussi qui peuvent être hyper touchants. Et voilà, et par exemple, je te disais sur effectivement le réinscrire dans une histoire militante et redonner de la force et des moyens d'agir et de l'espoir. Et ça, c'est un retour qui, ouais, qui revient très souvent de, bah ouais, je me sens hyper seul et déprimé et je fais de l'éco-anxiété et, ou, je sais pas, ou j'étais victime de viol ou des trucs horribles ou de grossophobie ou de validisme. C'est la discrimination vers les personnes en situation de handicap. Et ouais, grâce à cet épisode, vraiment, ça me redonne trop de la foi et je vais rejoindre leur action et je vais creuser ce sujet et je vais en parler bah, je sais pas, à ma mère, à ma sœur, à mon copain et ouais, ça me donne beaucoup de force de remettre de la joie dans ces luttes qui souvent sont très intellectuelles et très épuisantes aussi. Donc, ça, c'est un truc qui me tient à cœur parce qu'on est tous sur un petit fil de crête, à se battre avec nos petits moyens face à des énormes enjeux, quoi. Merci Pierre de ton témoignage. Je suis très content de t'entendre sur ces sujets. Merci de prendre le temps de nous raconter ça dans ton évolution. Il y a plein de choses que tu racontes, mais en fait qu'on entend aussi, qu'on découvre et qu'on peut relire différemment sur ces 10 dernières années, hein, là, d'engagement et de passage à l'action et de la compréhension de la société aussi, de ses enjeux et ton parcours de Monsieur Tout le Monde. Je te fais pas offense si je dis ça aussi, qui a décidé justement de plus en off, mais au contraire de se ressaisir de ce qui était à sa portée et de se mettre au mouvement, elle est très inspirante. Ma prochaine question, Pierre, c'est que du coup, tu Oui, continues Jean-Pierre. à tirer le fil de ta soif de sens, de ta quête de Ouais. sens. Est-ce que là, tu sens que pour l'instant, ce format des interviews, des personnes que tu rencontres, c'est quelque chose qui te plaît? Tu assumes ce rôle d'activiste, de média activiste, je ne sais pas comment l'appeler? Ou est-ce que tu as déjà Ah oui. d'autres idées? Est-ce que tu as envie de repartir peut-être dans quelque chose de plus dans l'action? T'en es où, toi, là, de tes réflexions, de tes envies aussi? Tu dis que tu es quelqu'un qui est capable de très bien s'écouter. Ouais, non, non, bah du coup là l'émission Soif de sens, surtout le podcast, ils ont à peine un an et demi, donc c'est vraiment ça où je suis vraiment pile à ma place parce que j'adore créer du contenu et c'est une plateforme qui est beaucoup plus adaptée pour moi par exemple que YouTube ou bah voilà faire des vidéos de 45 minutes sur des sujets bah aussi divers et variés, c'est quelque chose que le podcast récompense beaucoup plus que YouTube et vraiment je m'éclate trop. Enfin moi j'adore apprendre et rencontrer. Et tu l'évoquais, mais au début, voilà, sur YouTube, je faisais plus des face cam où je racontais ce que j'avais appris, des résumés de bouquins, de bah, des Rob Hopkins, de Pablo Servigne ou d'autres choses, ou des petites interviews mais plus légères de bah, de toi ou de youtubeurs engagés. Mais moi, j'aime bien la profondeur, j'aime bien avoir des discussions longues et honnêtes et où t'as de l'espace pour de la nuance et de la vulnérabilité. Et c'est des sujets qui peuvent être un peu complexes aussi, quoi. Et donc, c'est comment, ouais, tu prends ce temps-là de te poser avec des, c'est vraiment très chill comme ambiance en général. Hein. C'est pas Pierre interview un chercheur du GIEC de manière hyper académique et chiante. Moi, je sais que, enfin, la plupart du contenu, si ça me fait chier, je le dégage. Donc, j'essaie de rendre ça le plus sexy possible. Et je pense que j'y arrive à peu près. Et je me suis un peu perdu. C'était quoi la question? Oui. Non, pour moi, ouais, c'est vraiment tant qu'il y a des gens que je trouve ultra inspirants et que et qui me disent oui bah je veux venir sur ton canapé ou je veux faire une interview à distance avec toi, moi je suis trop chaud. Et c'est ça que, à la fois, je suis un petit gamin qui est là, mais cette personne, je sais pas, Perrine de la ferme du Bec et Loin, on a fait un épisode sur effectivement comment est-ce que tu peux vivre de ta micro-ferme en permaculture ou pas, et les fantasmes qu'il y a autour. Bah voilà, ça, moi, je suis trop C'est content. Je fou. l'avais vu dans Demain et dans Animal. Typiquement, je sais que mon frère il est passionné de permaculture et ben voilà, je savais que je le faisais un peu pour lui aussi, par exemple, et pour tous les gens qui me suivent, qui s'intéressent à ça. Voilà, ça peut être aussi, bah, j'en sais rien. Là, ça sort un peu des sentiers battus, mais peut-être bientôt David Laroche sur effectivement comment est-ce que des militants, ils peuvent exprimer leur, c'est un coach en développement personnel, mais voilà, peuvent changer d'échelle pour avoir encore plus d'impact. Et ça peut être autant, bah ouais, les féministes dont je parlais, moi, elles ont vraiment amélioré ma vie de couple et ma relation aux femmes en général, et à mes sœurs, et à ma mère, et à ma femme. Et ça fait bizarre, à chaque fois j'hésite à dire chérie ou femme, parce que bah, je me suis marié il y a pas longtemps. Et donc ouais, moi c'est vraiment comment est-ce que je continue à toucher plus de monde, tout simplement, en faisant tomber des barrières entre des causes qui n'ont pas les mêmes conséquences, mais qui ont les mêmes, bah, les mêmes causes, du coup. Et ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'il y a plus de gens qui deviennent, je vais dire, vivants. Mais ouais, je trouve qu'on est beaucoup de gens éteints et on a besoin de plus de gens, vivants et qui s'entraident. Au fond du fond, c'est juste qu'on a besoin de plus d'amour et de gens, et de courage, quoi. C'est vraiment C'est aussi Serge basique Renard que qui disait ça. ça, hein, qui disait Whatever the question is, the answer is love. Peu importe la question, la Ok. réponse est l'amour. J'ai un peu l'impression quand même que dans ce rôle-là, on se ressemble un peu, on est un peu la métaphore est flatteuse pour nous, mais un peu des Morpheus et avec nos pilules rouges et bleues J'aimerais d'ailleurs, tellement avoir autant hein, la classe que avec les petites lunettes qui tiennent là juste sur le nez comme ça. lui. Et donc du coup, effectivement, permettre aux gens de voilà de sortir de cette matrice dans laquelle on s'enferme, on pense qu'on a comme seul pouvoir le pouvoir d'achat pour les remettre en mouvement. Donc je pense que par rapport à ça, on se ressemble assez. Dans cette remise en mouvement, tu disais que toi, ta compréhension, elle s'est complexifiée et que bah, aujourd'hui, tu donnes la parole à des personnes qui touchent tous ces sujets. Il y a une des personnes dans les commentaires qui nous disait, bah voilà, et comment aussi, j'ai l'impression qu'on a cette vision un peu graduelle de l'action et notamment un peu avec l'action ultime qui est une action politique. La personne en commentaire mentionnait le vote. Est-ce que toi, tu as cette vision-là? Est-ce que du coup, dans cette envie de continuer à avoir un pied dans le réel, tu as l'impression que bah, maintenant, cette légitimité que tu dois obtenir, tu dois continuer à maintenir, elle est dans le politique. Et est-ce que ça te donne envie de t'y impliquer ou est-ce qu'au contraire, tu as d'autres envies d'être dans le réel parce que, je sais pas, tu as envie de faire du woofing, tu as envie de vivre dans un tiers-lieu. Comment tu maintiens ton lien avec la vraie vie et avec ton sentiment de légitimité d'une certaine manière? Ouais, bah en termes de micro-engagement, je pense que ça va. Enfin, de toute façon, à chaque fois, la majorité du temps, quand je pouvais, je mettais en place tout ce que Ça, tu l'as je intégré, tu veux prêchais. dire? Ouais. Oui, enfin comme toi, ça fait partie de mon mode de vie et il y a des trucs que j'enlève et que je change et des nouveaux trucs que j'adapte en permanence. Mais en termes plus collectifs, bah c'est très souvent lié à mes invités en fait. Ça va être bah, après l'interview avec Sea Shepherd, j'étais déjà végétarien, mais de temps en temps, je continuais très rarement à manger encore des sushis. Et vraiment, l'interview, elle m'a retourné avec Lamia. Et ouais, et derrière, bon, non seulement j'ai arrêté les sushis, bon, c'est pas le plus dur, mais ouais, je leur ai fait un gros don. Ça peut être avec nous toutes, qui Caroline de Haas, à l'époque, quand elle était, bon, je sais pas si elle était présidente ou directrice, maintenant elle a laissé la place à une jeune féministe qui est hyper badass aussi. Voilà, quand elle racontait à quel point la première grosse marche pour les femmes contre les violences sexistes et sexuelles à Paris, il y avait des dizaines, des centaines de milliers de femmes et qui avaient des torrents de larmes qui s'écoulaient sur leurs joues juste parce que, bah, enfin c'était reconnu et enfin tu te sens plus seule parce que, bah voilà, t'es ensemble et tu fais partie d'un tout et ouais, donc c'est participer à ces marches-là, c'est participer à ces mouvements, c'est bah, ramener les gens qui peuvent me donner un peu de leur attention dans ces mouvements-là et attirer leur attention là-dessus. Donc c'est vraiment un peu J'aime bien papillonner, donc ça a ses désavantages aussi, c'est clair. Mais ouais, moi je suis beaucoup au coup de cœur et à l'affection. Et en général, quand j'interviewe quelqu'un derrière, je vais faire un don, je vais participer à une action, je vais faire quelque chose parce que ça me touche, quoi. Moi, j'enchaîne sur la dernière partie des questions que j'avais pour toi, Pierre, et je suis désolé si je te prends par surprise, mais en même temps, toi qui es arrivé avec l'idée de, au début, changer le monde en 2 heures, moi, je fais Ouais. ces lives sur le pouvoir des imaginaires. Quels sont les leviers, les micro-actions que tu suggères, micro-engagements que tu suggères aux gens pour reprendre le pouvoir des imaginaires en 2 heures, pour participer à fabriquer ces nouvelles histoires? Qu'est-ce que tu suggères très concrètement pour, voilà, qu'il y ait de maximum de personnes qui proposent d'autres alternatives au monde d'après et qui se sentent légitimes pour, voilà, pour avoir quelque chose à dire et à faire par rapport à ça. Je suis peut-être un peu un télo, mais pour moi, j'allais dire peut-être pas se former, mais lire, aller au cinéma, regarder des séries sur le sujet, ou écouter des podcasts en l'occurrence, ouvrir son imaginaire, pour moi, ça passe par des témoignages, en fait, de se rendre compte à quel point, moi, ça m'a fait trop peur il y a 2 ans quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à imaginer autre chose qu'un futur capitaliste, quoi, juste un Mad Max, et j'étais là, mais. Attends, mais le capitalisme, enfin, quand on dit que le capitalisme a vraiment phagocyté tous les autres imaginaires, ça s'appliquait même à moi qui étais en plein dans ce milieu-là. Et waouh, ça fait flipper. Enfin, genre, il y a 1000 mondes qui sont possibles. Et voilà, si le mot anticapitalisme vous fait peur, en fait, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Et peu importe les étiquettes connotées qu'on peut mettre dessus ou pas. Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment écouter sur l'histoire militante qui existe déjà. Enfin. Quand j'avais parlé de j'accède dans le tome 3 de Changer le monde en 2 heures, donc c'est une plateforme qui renseigne l'accessibilité de tous les lieux qui reçoivent du public, donc les bars, les pharmacies, peu importe, pour que les personnes qui sont en situation de handicap puissent savoir si c'est accessible à elles ou pas, alors que ça devrait l'être, c'est la loi, mais bon voilà, ça l'est rarement. Et du coup, j'avais vu un documentaire qui s'appelait The Defiant Ones, je sais pas s'il est disponible sur Internet aujourd'hui, mais sur l'histoire justement des mouvements sociaux des handicapés. Aux États-Unis, alors je sais plus dans quelle décennie, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être dans les années 70 par là. Et comment t'avais des centaines d'handicapés qui s'étaient menottés à des roues de bus, qui rampaient à quatre pattes sur les marches, je sais plus, je dis n'importe quoi, mais d'un établissement public, peut-être une mairie ou un monument important, quoi, qui leur refusait leurs droits civiques, quoi, et d'avoir des scènes de gens qui littéralement étaient cachés et qu'on leur disait non mais toi t'es impuissant et enfin ton avis il vaut rien et tu peux pas te battre pour tes droits et de toute façon c'est impossible, ta lutte elle est perdue d'avance et laisse tomber de voir leur badassitude même si c'est pas du tout français mais comment ils se levaient même s'ils pouvaient pas pour leurs droits et qu'ils ont réussi à les obtenir. Du coup, maintenant, il y a une ville qui est beaucoup plus accessible. Ouais, il y a beaucoup moins de discrimination, il y a des trottoirs plus larges, il y a des bus qui avec des trucs, je sais pas comment dire, automatiques, des rampes d'accessibilité. Voilà, pardon. Et tu te dis, mais ouais, mais si même il y a 50 ans, il y a des personnes qui pouvaient même pas marcher, qui arrivent à obtenir des droits juste parce qu'ils sont suffisamment à se coordonner. J'ai Coordonnées. fait un mix entre coordonner et organiser. À se coordonner. Bah ouais, bien sûr que nous aussi, on peut faire des trucs incroyables. Et quand tu regardes l'histoire, il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui se battent. Et même aujourd'hui, sauf que bah ça passe pas forcément sous ton radar. Alors qu'en fait, bah, je parlais de l'histoire de Vandana Shiva. Typiquement, elle a fait perdre plein de procès à Monsanto. Elle a réussi à ce qu'ils brevettent pas, par exemple, le riz basmati en Inde. Il y a plein de victoires en fait dont on n'entend pas parler Non, ce que je et veux dire, en fait, c'est qu'il faut se nourrir de ça. En fait, tu vois, tout à l'heure, toi, ton imaginaire était phagocyté par les Kinder. Et le mien est malheureusement aussi pris complètement par les Lego. Et en fait, ce que tu me racontes, ça me fait penser à me dire, bon, bah, si on a envie de construire quelque chose avec des Lego, il y a besoin de briques pour construire quelque chose, voilà, le plus grand, le plus complexe, le plus beau possible. Et donc, toi, tu racontes que pour, voilà, pouvoir nourrir ces imaginaires, on a besoin de briques. Et donc, ces briques, elles s'obtiennent à travers tout un tas de choses qui existent déjà. Donc toi, tu parlais du documentaire. Effectivement, ça m'a fait penser à des films là qui sont assez grand public, parce que Harvey Milk, parce que No, parce que ce genre de choses. Il y a Imago Complètement. TV qui met Animal, en ouais. avant effectivement tout un tas de documentaires, qui est un peu une sorte de présélection de tous ces sujets. Il y a des bouquins. Moi, je dis aussi souvent qu'une première manière d'agir, c'est de changer les lunettes qu'on a pour regarder le monde. Et ça passe notamment par l'accès aussi aux actualités, aux informations. Et donc aller le plus possible vers des médias indépendants ou des médias du temps long, des magazines qui sont envoyés seulement une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, qui permettent de traiter des sujets dans le fond. Donc Ouais. première action que tu suggères, qui est évidente, c'est avoir les briques ou se rendre compte de ce qui a déjà été fait pour se sentir plus fort et voir qu'on part pas de Ouais, rien. allez voir Animal de Cyril Dion. Bah, j'ai eu la chance d'interviewer Vipulan, l'acteur principal, qui est un jeune écolo-militant. Allez voir La Panthère des Neiges pour interroger notre rapport au vivant. Allez voir, je sais pas, vous tapez documentaire militant. Sur Netflix, sur YouTube, n'importe où, vous allez voir plein de Ouais. trucs. Bah écoutez, 2030 glorieuses ou soif de sang, s'il y a Ce que vraiment plein j'essaie de choses. d'ailleurs de faire, Pierre, moi, dans les 2030 Glorieuses, je suis désolé, je t'entends encore une fois, mais Je c'est suis très tellement vexé. passionnant. Ouais. Dans 2030 Glorieuses, entre les deux parties du podcast, à chaque fois, je demande aux personnes de venir et de lire un passage d'un roman pour montrer qu'en fait, dans notre littérature aussi, dans les bibliothèques qu'on a tous et toutes chez soi, il y a des passages, il y a des livres qui recèlent des histoires. Quand on les regarde avec cet angle un peu utopiste, bah en fait, donnent à voir aussi le monde de demain et peuvent être lus différemment. Et en fait, on en a plein Ouais. autour de nous. Et ça dépasse largement Le Petit Prince et l'homme qui plantait des arbres, quoi. Ouais, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est effectivement, un, si tu arrives à imaginer un autre futur, enfin déjà trop bien, mais c'est vrai que bah, quand tu te bats contre tout un système qui essaie de détruire ton imaginaire, en tout cas de les enfermer dans des trucs qui sont que compatibles avec le capitalisme qui détruit la planète, bah, forcément c'est plus compliqué parce que tu te bats contre une machine. Donc c'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur l'imaginaire de quelqu'un d'autre et d'embarquer dans son aventure, voire de construire par-dessus toi ta propre utopie. Et deux, typiquement là, j'étais très touché cette semaine. Je m'attendais pas du tout, et c'est pas du tout une série militante, mais par une série qui s'appelle À l'ombre des Magnolias sur Netflix. À la base c'est un bouquin. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi au début, parce que si je caricature très vite, ça peut être un peu comme Desperate Housewives, mais voilà, c'est l'histoire de la vie d'une communauté dans une petite ville aux États-Unis, avec trois femmes badass qui racontent leur vie de cœur, de communauté, de carrière, d'amitié, etc. Et en fait, j'étais hyper inspiré par cette série parce que t'as énormément de dialogues et de, enfin, tout le scénario en fait est autour de gens que je trouve vraiment adultes. Je trouve que dans notre monde, il y a très peu de gens adultes, en tout cas comme moi, j'imagine des adultes matures, responsables, capables de formuler leurs émotions, capables de gérer les conflits, de gérer la guérison, la résilience, la vulnérabilité, l'empathie, de montrer les différents points de vue d'une situation pour comprendre, ok, bah comment est-ce qu'on se met au service de la communauté, comment est-ce qu'on bah, on accepte nos défaillances individuelles et on construit par-dessus. Et vraiment, je suis bluffé par tous les dialogues et le scénario de cette série, alors que c'est pas du tout militant en soi, mais parce que derrière, encore une fois, c'est, bah, il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent dans ces questions de d'amour plutôt que de la haine ou de la rancœur ou du jugement et beaucoup d'empathie en fait. À partir du moment où ce monde aura beaucoup plus d'empathie, où ce sera une valeur forte. Bah oui, tu peux pas laisser 1 milliard d'humains crever de faim ou juste la planète, pas la planète, mais la biodiversité disparaître, quoi. Quand on parle de récits enthousiasmants, on a assez peu d'imaginaire, on a assez peu d'alternatives, on a assez peu de propositions, et donc on pense à très peu de films en fait, et on pense à encore moins de livres, ou peut-être l'inverse, je sais pas, mais donc souvent dans les livres enthousiasmants, dans les livres qui font réfléchir et qui donnent envie de se mettre en mouvement, il y a Le Petit Prince qui revient souvent, L'Homme qui plantait des arbres, qui lui est mon favori, mais c'est vrai que plus on réfléchit et plus on se rend compte qu'on est entouré de dystopie. Et donc regarder toutes ces alternatives, et je pense notamment au travail. Je les ai un peu loin dans ma bibliothèque, donc je vais pas me lever et toute la logistique qui va avec, mais je pense au travail de Sandrine Rudeau et d'Yannick Rudeau qui, avec les éditions de La Mer Salée, font le travail d'éditer des livres justement qui ont cette vertu de proposer de nouveaux imaginaires. C'est hyper hyper précieux, donc c'est quelque chose de salutaire. On a besoin de cette capacité d'émerveillement, même quand c'est dans des luttes badass ou